Mais j'ai des voix qui soutiennent, qui nous soutiennent. C'est quand même agréable, comme ça. Laissez-moi le... Parce que parfois, les sièges sont un peu durs, ça fait mal. Au temps des congrès, je ne les trouve pas très confortables. S'il y avait 20 minutes, c'est comme ça.